Kafka sur le rivage. Murakami Haruki. Umibe no Kafka. De Haruki Murakami. Traduction Corinne Atlon. Adaptation Juliette et Marie. Dai-6wa. Je suis moi et quelqu'un d'autre en même temps. Tu auras beau fermer les yeux et te boucher les oreilles, le temps continuera à avancer. Je me sentais au bord du monde, prête à basculer de l'autre côté. Nakata a déjà l'impression de ne plus être lui-même. Un jour, tu tueras ton père de tes mains et tu coucheras avec ta mère et ta sœur. Sixième épisode. Si je comprends bien, Kafka Tamura, ta mère est partie en emmenant ta sœur aînée et en te laissant seule à l'âge de 4 ans avec ton père. Oui. Je sais pas où elle est. Je sais pas à quoi elle ressemble. Ça a dû être dur pour toi, non? Peut-être. Je sais pas. Et tu t'entendais bien avec ton père? Si je m'entendais avec mon père? Un jour, tu tueras ton père de tes mains. Oui, évidemment. Si tu t'étais bien entendu avec lui, tu n'aurais pas eu besoin de fuguer. Reprenons. Tu as fugué de chez toi, et cette nuit, tout à coup, tu as perdu connaissance ou perdu la mémoire. Quelque chose dans le genre. Oui. Ça t'était déjà arrivé? Quelquefois. Quand je m'énerve, j'ai l'impression qu'un plomb saute dans mon cerveau. C'est comme si quelqu'un appuyait sur un bouton et que mon corps démarrait avant que j'aie eu le temps de réfléchir. Je suis moi, et quelqu'un d'autre en même temps. Tu veux dire que tu perds le contrôle de toi-même et que tu deviens violent? C'est ça. Tu as déjà blessé quelqu'un? Deux fois. Mais rien de bien grave. Et tu crois que c'est ce qui t'est arrivé aujourd'hui? C'est la première fois que c'est aussi fort. Cette fois, je sais même pas dans quelles circonstances j'ai perdu connaissance, ni ce qui s'est passé pendant ce temps. C'est comme si tous mes souvenirs avaient été effacés. Il m'est jamais rien arrivé d'aussi affreux. Et la dernière chose dont tu te souviens, c'est que tu étais en train de dîner dans un restaurant près de la gare, c'est exact? Oui. Et après, tu ne sais plus. Tu étais allongé dans des buissons derrière un sanctuaire. Quelques heures s'étaient écoulées, ton t-shirt était plein de sang et tu avais mal à l'épaule gauche. C'est ça. Enlève ta chemise un instant. C'est douloureux? Plutôt, oui. Tu as dû heurter violemment quelque chose? Ou alors, peut-être que tu as été frappé? Je me souviens de rien. En tout cas, tu n'as rien de cassé. Montre voir. Je suis douée pour les massages. Une bonne nuit de sommeil et il n'y paraîtra plus. Tiens, prends ce t-shirt. C'est la plus grande taille que j'ai. Tu peux le garder si tu veux. Merci. Tu n'es jamais resté évanoui aussi longtemps avant? Jamais. Des gens saigneront. Et toi aussi, tu saigneras. Tu sais, Sakura, j'ai très peur. Un sang chaud et rouge coulera. J'ai peur à ne plus savoir que faire. Tu recueilleras ce sang dans tes mains. Ce sera ton sang et le sang des autres. Peut-être que j'ai blessé quelqu'un au cours de ces 4 heures qui se sont effacées de ma mémoire. Je me souviens plus de ce que j'ai fait. En tout cas, j'étais couvert de sang. Et si jamais j'ai été mêlé à un crime, légalement, ma responsabilité est engagée, même si j'étais pas conscient. Tu crois pas? Je comprends que tu sois soucieux, mais ça sert à rien de te tracasser pour l'instant. Demain, on pourra lire les journaux, regarder les infos, et si un crime a été commis dans les environs, on le saura de toute façon. Il sera temps de réfléchir à ce moment-là, non? Il faut se rendre à l'évidence. Ce sang, ce n'est pas le tien. C'est celui de quelqu'un d'autre. Le sang coule en un tas d'occasions qui ne sont pas aussi dramatiques que tu peux le penser. Je suis une femme. J'ai l'habitude de voir du sang tous les mois. Madame Setsuko Okamoto au professeur Shigenori Tsukayama, le 19 octobre 1972. Professeur, sans doute serez-vous surpris de recevoir cette lettre. Je suppose que mon nom a disparu de votre mémoire. J'ai été enseignante il y a longtemps dans la préfecture de Yamanashi. J'accompagnais les enfants lorsqu'eut lieu ce coma collectif durant la dernière année de la guerre. Si je me permets de vous écrire, c'est que cette affaire n'a jamais quitté mon esprit. C'était la guerre. Nous subissions une pression idéologique très forte et certains sujets étaient tabous. J'ai dû dissimuler certains détails de cette journée. Autrement dit, j'ai déformé intentionnellement une partie des faits. C'est la raison pour laquelle je vous adresse aujourd'hui cette lettre. La veille du jour où j'ai emmené les enfants dans la forêt, juste avant l'aube, j'ai rêvé de mon mari qui à l'époque avait été mobilisé et se trouvait au front. C'était un rêve érotique, très concret. Un de ces rêves qui paraissent si réels qu'il devient difficile de délimiter la frontière entre le songe et la réalité. Nous faisions l'amour près du sommet d'une montagne, sur un rocher plat, gris clair, de la largeur d'un lit. Je ressentis en rêve une jouissance indescriptible. Quand je me suis réveillée, il faisait encore sombre. Je me sentais dans un état bizarre. Mon cœur battait à se rompre, j'avais du mal à respirer. J'avais l'impression d'avoir bel et bien fait l'amour. Ensuite, je suis partie à l'école, à vélo, comme d'habitude. Puis j'ai emmené les enfants sur la colline du bol de riz. Tandis que j'avançais sur ce sentier de montagne, les sensations de mon rêve continuaient à résonner en moi. Mon corps gravissait le sentier avec les enfants, mais mon esprit était encore au milieu de ce rêve érotique. Nous sommes arrivés dans la forêt, qui était le but de la balade. Au moment précis où j'ai donné le signal du début de la cueillette, mes règles se sont déclenchées. Le sang a coulé. Du vrai sang. Et en grande quantité. Hi-ho, hi-ho, on rentre du boulot. Je vais tuer ces chats un par un et je m'occuperai de Sésame en dernier. Tu as encore un peu de temps devant toi pour te décider. N'oublie pas, soit je tue tous les chats, soit tu me tues. C'est la seule alternative. Il faut être méthodique en toute chose, tu sais, Nakata. Il faut tout faire dans l'ordre, soigneusement, en anticipant les événements. Ventre de l'animal. Ligne médiane. Le cœur. Extraire l'organe en question. Et... Non, la bouche, ça. Nakata a la sensation que quelque chose commence à bouger dans son esprit. La tête du chat. Un sacré boulot, tu ne trouves pas? Ses mains rougiraient plutôt les vagues de la mer et rendraient l'océan d'azur écarlate. Macbeth. Tu ne dis rien ? Nakata. Quelque chose remue au fond du cerveau de Nakata. Au deuxième. Nakata veut fermer les yeux. Nakata a affreusement mal à la nuque. Nakata, Nakata, ce n'est pas bien ce que tu fais là. C'est maintenant que ça va devenir intéressant. Si tu veux m'arrêter, c'est maintenant ou jamais, Nakata. Le temps passe. Johnny Walken, lui, n'hésite pas. Nakata doit fermer les yeux. Nakata a les mains qui tremblent. Interdiction de fermer les yeux. Ça fait partie des règles. Tu auras beau fermer les yeux et te boucher les oreilles, le temps continuera à avancer. Tic-tac, tic-tac. Je vous en supplie, monsieur Johnny Walken. Nakata ne peut pas en supporter davantage. Tic-tac. Tic, tac. Je te l'ai dit tout à l'heure, c'est la guerre ici. Ce n'est plus accessible ni à la logique, ni au raisonnement. Oh, oh, oh, oh, oh, hé, hé, oh. On rentre du boulot. Au moment précis où j'ai donné le signal du début de la cueillette, mes règles se sont déclenchées, alors que ce n'était pas la période. Ne m'y attendant pas, je n'avais pas emporté le nécessaire. J'ai dit aux enfants que nous faisions une petite pause, et je me suis enfoncée seule sous les arbres. Je me suis tamponnée en hâte avec les essuie-mains que j'avais emportés pour le pique-nique. J'en ai appliqué un autre entre mes cuisses. Je saignais abondamment. J'étais paniquée. Mais je me suis dit que cela devrait tenir jusqu'au retour à l'école. Mon esprit était dispersé, je n'arrivais pas à réfléchir posément. Je me suis assise pour regarder les enfants. Au bout d'un moment, un des garçons s'est approché de moi avec quelque chose dans la main. Il s'appelait Nakata. Oui, c'est bien celui qui est resté dans le coma et a été hospitalisé plus longtemps que les autres. Il tenait à la main les serviettes ensanglantées que j'avais laissées sous les arbres. Je n'en croyais pas mes yeux. Je les avais pourtant cachées très loin, dans un coin où j'étais sûre que les enfants n'iraient pas. Et voilà que ce petit Nakata exhibait sous mes yeux l'objet le plus honteux qui soit pour une femme et qu'elle veut éviter à tout prix d'exposer au regard. Je n'ai jamais compris comment il avait pu trouver ces serviettes. Avant d'avoir eu le temps de comprendre ce que je faisais, j'avais saisi Nakata par l'épaule et lui assénais plusieurs gifles. Peut-être criais-je aussi. Je ne savais plus ce que je faisais, je n'étais plus moi-même. Soudain, je me suis rendu compte que tous les enfants me regardaient. Leur visage était aussi inexpressif que des masques de bronze. Combien de temps s'est-il écoulé ensuite ? Pas très longtemps, je crois. Mais cela m'a semblé une éternité. Je me sentais au bord du monde, prête à basculer de l'autre côté. Puis j'ai repris mes esprits, j'ai caché les serviettes pleines de sang derrière moi, j'ai relevé Nakata. Je l'ai serré très fort contre moi et lui ai demandé pardon. Il semblait lui aussi en état de choc. Il avait le regard vide et ne paraissait pas m'entendre. C'est alors que les enfants ont commencé à s'évanouir les uns après les autres. Et de trois. Si tu veux que j'arrête de tuer ces chats, Nakata, il faut me tuer. Tu te lèves, tu rassembles tout ton ressentiment contre moi et tu me portes un coup mortel. Maintenant, tout de suite. Et ça s'arrêtera, point final. Maintenant, c'est le tour du siamois. Et voilà. Miki Amano, Mimi. Appelez-moi Mimi, comme dans la bohème. Il y a une chanson qui m'est dédiée, vous savez. On m'appelle Mimi, l'opéra de Puccini. Mademoiselle Mimi. Tu sais, Nakata, elle m'a donné du fil à retordre, ta Mimi. Hein? Rapide, prudente, elle réfléchit vite en plus. Il n'y a pas plus difficile à attraper qu'une bête comme ça. Mais le chat qui pourra échapper à Johnny Walken, le célèbre tueur de chats, n'est pas encore né, crois-moi. Le monde est un endroit très violent, vous savez, monsieur Nakata. Personne ne peut échapper à la violence. Ça va aller, mademoiselle Mimi, ne vous inquiétez pas. Monsieur Johnny Walken, je vous demande à nouveau, arrêtez tout ceci. Si vous continuez, je vais avoir un coup de folie. Nakata a déjà l'impression de ne plus être lui-même. Ça t'était déjà arrivé. Quelquefois, je suis moi et quelqu'un d'autre en même temps. Ça, c'est très important, Nakata. Le moment où les gens deviennent quelqu'un d'autre. Je ne savais plus ce que je faisais. Je n'étais plus moi-même. Un homme qui n'est plus lui-même. Tu n'es plus toi-même. Quelle jolie formule, mon cher Nakata. Monsieur Johnny Walken, si vous continuez, je vais avoir un coup de folie. Si vous continuez, je vais avoir un coup de folie. Je vais avoir un coup de folie. Un coup de folie. Ah, c'est ça. Très bien. Oui. Frappe-moi encore, sans hésiter. Bravo. Mademoiselle Mimi, vous n'êtes pas blessée? Ma petite sésame, c'est bien toi. Allez, on rentre à la maison. Mais Nakata ne peut pas bouger. Sa tête est si lourde. Et il y a tant de brume. Nakata va fermer les yeux. Nakata. Dis-moi, Kafka Tamura, je peux te poser une question indiscrète? Vas-y. Tu m'as dit que ta sœur aînée avait été adoptée avant ta naissance. C'est exact? C'est vrai. Je sais pas pourquoi, mais ils l'ont adoptée. Moi, je suis née après. J'étais pas prévue au programme. Donc, toi, tu es bien le fils de ton père et de ta mère? Il n'y a aucun doute là-dessus. Normalement, non. Pourtant, ta mère est partie avec ta sœur adoptive et pas avec toi, son véritable enfant. Un drôle de comportement pour une mère. Pourquoi a-t-elle fait ça? Je l'ignore. Je me suis posé cette question des milliers de fois. Ça t'a blessé, naturellement. Est-ce que ça m'a blessé? Je sais pas. En tout cas, si un jour je me marie, je crois pas que j'aurai des enfants. Je saurais pas comment me comporter avec eux. Tu n'as pas de la famille? Des amis qui pourraient t'aider? Non. Tu n'as personne sur qui compter en ce vaste monde à part toi-même? On peut dire ça comme ça. Il faut que je dorme un peu, il est 3h du matin. Je dois me lever à 7h30. Et toi, que décides-tu? J'ai mon sac de couchage avec moi. Je peux dormir dans un coin si ça te gêne pas. D'accord. Tu n'arrives pas à dormir, je parie. Non, je dors pas. Moi non plus. Je n'aurais pas dû boire ce café. Je n'ai pas réfléchi. Je veux pas de malentendu entre nous. Mais tu peux venir t'allonger près de moi. J'ai un petit ami attitré à Tokyo, tu sais. Ce n'est pas une lumière, mais c'est mon copain. Alors, tu te fais pas d'idée. On dort, comme un frère et une sœur. Ok? Et si c'était ta sœur? Ok. Un jour, tu tueras ton père de tes mains et tu coucheras avec ta mère et ta sœur. Kafka sur le rivage, de Haruki Murakami. Traduction, Corinne Atlan. Adaptation, Juliette Eman. Sixième épisode. Avec Igor Manjiski, Kafka, Axel Boguslavski, Nakata, Philippe Magnan, Johnny Walken, Alexia Monduit, Sakura. Et les voix de Arthur Ribaud, Agnès Sourdillon, Chantal Galliana. Musique originale et piano, Denis Chouillet. Clarinette, Fabrice Villard. Percussion, Sylvain Lemaître. Bruitage, Sophie Bissens. Équipe de réalisation, Philippe Bredin, Bruno Mourlan, Annabelle Broire, Marguerite Gâteau. Kafka sur le rivage est publié aux éditions Bellefond. Thank you.